بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس 27 في شرح عمدة الأحكام. Nous sommes donc au cours 27 dans l'explication de عمدة الأحكام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Selon Aisha رضي الله عنها qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se levait après la janaba, il lavait ses deux mains, puis il faisait ses ablutions comme il le faisait pour sa salate, pour la salate. Puis il se lavait, al-irtisal, puis il se lavait. Puis il plaçait ses deux mains dans ses cheveux, ses deux mains avec les doigts écartés, ça s'appelle le tahlil, les deux mains avec les doigts écartés dans les cheveux, jusqu'à ce qu'il pensait avoir atteint les racines de ses cheveux. Jusqu'à ce qu'il pensait avoir atteint les racines de ses cheveux, la peau. Alors, à ce moment-là, il passait 3 fois de l'eau sur sa tête. Puis il lavait le reste de son corps. Et Aïcha, elle disait, radiallahu anha, je me lavais, c'est-à-dire du roussel, je me lavais, moi et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un même récipient, dans un seul récipient, nous nous en servions ensemble. Nous nous en servions ensemble. Et le deuxième hadith concernant le même sujet, عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. سلام ميمونة Bint al-Harith, l'épouse du prophète, radiallahu anha, wa sallallahu alayhi wa sallama annaha, qalat, qu'elle a dit, j'ai placé pour le prophète, pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau à utiliser pour la janaba, pour le roussel. Il a donc versé par sa main droite sur sa main gauche 2 ou 3 fois. Puis il a lavé ses parties. Puis il a frappé le sol ou le mur avec sa main. Ce qui est voulu par frapper ici, c'est le fait qu'il ait frotté, comme c'est venu dans d'autres narrations. Dalaka dalkan shadidan, il a frotté fortement le sol ou le mur 2 ou 3 fois. Puis il a fait la madmada, l'istinshak, puis il a lavé son visage. Et ses deux mains. Puis il a mis l'eau sur sa tête. Il a passé l'eau sur sa tête. Puis il a lavé le reste de son corps. Ensuite, je suis venu à lui. Ensuite, je suis venu à lui. Excusez-moi. Ensuite, il s'est écarté. Ensuite, il s'est écarté et a lavé ses deux pieds. Je suis alors venu à lui avec une serviette et il ne l'a pas acceptée. Et il a commencé, ou alors, et il a enlevé l'eau avec ses mains. Il a retiré l'eau, essuyé l'eau avec ses mains. Hadan il hadithan fi wasf wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux hadiths que je viens de lire concernent la description fi wasf ghusl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux hadiths concernent la description du ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal ghusl fihi ghusl mujzi wa fihi ghusl kamil. Il y a un ghusl qu'on va appeler el ghusl mujzi, le ghusl suffisant, et un ghusl qui est complet. Il y a donc deux types de ghusl, un ghusl qui est suffisant et un ghusl qui est complet. Fal ghusl mujzi an yufid al insan al ma'a ala jasadihi kamilan. Et donc le ghusl suffisant, c'est le fait que la personne va faire passer l'eau sur tout son corps. In fa'ala dhalika fa ghusluhu sahih. Et s'il fait cela, alors son ghusl est correct. S'il passe l'eau sur tout son corps, son ghusl est correct. Wa man ramasa fil ma' kamilan yanwi al ghusl fa ghusluhu sahih. Et donc la personne qui va se plonger entièrement dans l'eau, en ayant l'intention de faire le ghusl, alors son ghusl est correct. Et c'est ce qu'on appelle le ghusl suffisant. Amma al-ghusl al-kamil fa huwa al-madhkur fi hadhain al-hadithain. Tandis que le ghusl complet, c'est celui qui est cité dans ces deux hadiths. Fal amr al-awwal an-niyya. Yanwi al-insan al-ghusla min al-janabah. Et donc premièrement l'intention. La personne doit prendre l'intention de faire le ghusl de al-janabah. Le ghusl concernant al-janabah. Taqarruban ila Allah. En ayant l'intention d'obéir et de chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle fait cela pour Allah. Thumma al basmala. Et ensuite, concernant la basmala. Quand le ba'd al-ulama bi wujub al-basmalati fil ghusl kama annaha wajibatun fil wudu. Certains savants ont dit qu'il est obligatoire de prononcer la basmala durant le ghusl de la même façon qu'il est obligatoire de la prononcer durant les ablutions. On avait déjà vu la divergence concernant la basmala lors des ablutions. وقد ذكرنا أن الخلاف في البسملة في الوضوء وأن وقد ذكرنا الخلاف في البسملة في الوضوء وأن الراجح أنها ليست بواجبة. On avait cité que l'avis le plus juste, c'est que la basmala, le fait de prononcer la basmala, ce n'est pas obligatoire durant les ablutions. لأن الصحابة الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا البسملة. Car les compagnons qui nous ont décrit les ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم, ils n'ont pas cité la basmala. وهنا أيضا رأينا في حديث عائشة وميمونة ونعم رأينا حديث عائشة وميمونة لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ الْبَسْمَلَةِ. Ici aussi, nous avons vu les deux hadiths, les hadiths de Aïcha et de Maïmouna, concernant le ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la basmala n'est pas citée dans les deux hadiths. Et donc, nous ne pouvons pas dire que ceci est une obligation. ثُمَّ غُسْلُ الْيَدَيْنِ. ثُمَّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ. Ensuite, le fait de laver les deux mains. le fait de laver les deux mains. كما هو موجود في حديث عائشة comme cela est présent dans le comme cela est cité dans le hadith de Aïcha فغسل يديه. Alors il a lavé ses deux mains. Et donc la personne qui va faire le rousle complet va commencer donc par l'intention et ensuite elle va laver ses deux mains. ثم يغسل فرجه. Et ensuite la personne va laver ses parties. Il est cité dans le hadith de Meymouna ثم غسل فرجه. Puis il a lavé ses parties. Puis il a lavé c'est parti. ثم الدلك باليد على الحائط أو الأرض كما هو مذكور في حديث ميمونة. Et ensuite, le fait de frotter le sol ou le mur avec ses mains, comme cela a été cité dans le hadith de ميمونة. قال بعض العلماء باستحباب ذلك أو باستحباب دلك الأرض أو الحائط أو التراب لِإِزَالَةِ الْأَقْذَارِ فِي الْيَدِ. Certains savants, ils voient qu'il est recommandé de frotter le sol ou le mur ou la terre, donc après avoir nettoyé ses parties, pour enlever les impuretés, pour enlever les impuretés qu'il y a sur la main. فَجَاءَ عَنِ الشَّيْخِ بْنِ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ أن الماء كان قليلا فلذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثا لكونه أسرع في إزالة ما لوثه انتهى. Et certes, il a été rapporté du Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah qu'il a dit, et ce qui m'apparaît concernant le hadith de Maymouna et que il y avait peu d'eau et que l'eau n'était pas en grande quantité, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu besoin de frotter le mur ou le sol avec sa main deux fois ou trois fois, parce que cela fait plus rapidement partir les impuretés donc qui ont touché les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Et donc, la personne commence son rousle comme cela. L'intention, le fait de laver les mains, le fait de laver les parties. Et ici, donc, on voit le sujet concernant le fait de frotter le mur ou pas. Ici, le cheikh Ibn al-Uthaymin qui dit que c'est parce que l'eau elle était en petite quantité. Et donc, pour nettoyer les mains plus rapidement, le prophète il a frotté le mur. ثم الوضوء. Ensuite les ablutions. قالت عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. Et donc Aïcha elle dit, puis le prophète il a fait ses ablutions comme il le fait pour la salat. والظاهر من حديث عائشة أنه غسل رجليه أيضا. Et ce qui est apparent du hadith de Aïcha, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a aussi lavé ses pieds. Quand elle dit il a fait ses ablutions pour la salate, comme il le fait pour la salate, il lave ses pieds aussi. Ça comprend qu'il lave ses pieds aussi. لكن الظاهر من حديث ميمونة أنه أخر غسل أو غسل الرجلين إلى بعد انتهاء الغسل. Par contre, ce qu'on comprend du hadith de Meymouna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le fait de laver les pieds à la fin du rousle. C'est-à-dire qu'il a commencé ses ablutions durant le rousle, il a commencé ses ablutions. Lorsqu'il est arrivé à la tête, il a donc passé l'eau sur la tête, les oreilles, mais ensuite il n'est pas descendu aux pieds. Ensuite il a continué à faire le rousle, jusqu'à finir le rousle. Une fois qu'il a fini le rousle, là il a lavé ses pieds. Et donc nous avons deux façons différentes qui ont été citées concernant ce sujet. Fait qu'on est bardou ahli l'ilm. إن الإنسان يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الغسل ويحمل حديث عائشة على ذلك. Et donc certains savants ils ont dit que la personne lorsqu'elle veut faire le rousle complet elle va retarder le lavage des deux pieds jusqu'à la fin du rousle, et que c'est comme cela que nous devons comprendre le hadith de Aïcha. C'est-à-dire que lorsque Aïcha, elle dit qu'il a fait les ablutions pour la salate, cela veut dire qu'il a fait les ablutions pour la salate, en général, sauf pour les pieds. وقال آخرون إن الأكمل غسل الرجلين في آخر الوضوء أي أن الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد غسل الرجلين في آخر الغسل. Et donc, certains savants, ils disent que le plus complet, c'est que la personne, elle va laver ses deux pieds à la fin des ablutions. Donc, pas du rousl, à la fin des ablutions. Donc, la personne fait son rousl, elle a l'intention, elle lave ses mains, elle lave ses parties, puis elle fait ses ablutions, et elle lave ses pieds à la fin des ablutions. Puis elle continue à faire le rousl, et elle relave ses pieds une deuxième fois à la fin du rousl. Fal insanu yaghsilu rijlayhi marratayn. Et donc, la personne va laver ses pieds deux fois. Wa huwa ikhtiyaru al-'allamati Ibn Baz. Et ceci est le choix du grand savant. Ceci est le choix du très savant Ibn Baz. وقال بعضهم له أن يؤخر غسل الرجلين عند الحاجة إذا كانت الأرض طينا مثلا أو غير نظيف أو غير نظيفة وله أن يغسل الرجلين في آخر الوضوء أي comme il voit dans le hadith d'Aïcha. Et certains d'autres savants, ils voient que la personne, elle peut retarder le lavage de ses deux pieds lorsqu'il y a un besoin, comme par exemple lorsque le sol est en terre, ou alors lorsque le sol n'est pas propre, alors la personne, elle se retire. Elle s'écarte, comme cela a été cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne s'écarte et lave ses deux pieds à la fin. Et la personne, elle peut aussi laver ses pieds, donc à la fin des ablutions, c'est-à-dire pas à la fin du rousl, mais à la fin des ablutions. Et donc, comme cela a été cité dans le hadith de Aïcha. Donc la personne, elle peut faire comme dans le hadith de Maïmouna, et elle peut faire comme dans le hadith de Aïcha. Elle peut faire comme dans le hadith de Maïmouna, en cas de besoin, si le sol n'est pas propre. Et elle peut faire comme dans le hadith de Aïcha, si elle le veut. Et donc voilà par rapport à cette divergence. Wali yu'lam, anna hadha al-khilaf fi al-akmal. Et donc il faut bien comprendre que cette divergence concerne ce qui est le plus complet. Ce qui est le plus complet. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une obligation, puisqu'on a dit que cette description du rousl que l'on cite, c'est la description du rousl complet. Mais donc c'est la description du rousl complet. Mais ce n'est pas la description donc du rousl suffisant dans tous les cas. Donc on va se suffire de cela pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.